Cette prière monte vers Dieu et revient sur terre avec sa puissance et transforme la vie de la personne pour laquelle vous priez. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Nous connaissons tous quelqu'un qui a désespérément besoin de prière. Un ami, un membre de notre famille, un collègue de travail ou une personne occupant une position de responsabilité peuvent tous bénéficier de notre intercession en leur faveur. Dans ce monde troublé, nous connaissons des personnes qui, sur le plan personnel, social ou politique, ont besoin de nos prières. Or, savez-vous comment prier d'une manière efficace, d'une manière qui libérera la puissance de Dieu, peu importe la situation? Aujourd'hui, Charles Stanley se penche sur le modèle de prière proposé par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er. Si vous voulez influencer quelqu'un par votre prière, restez avec nous pour percer le secret d'une prière transformatrice. La meilleure chose qu'on puisse faire pour une personne est de prier pour elle. La puissance de la prière ne réside pas dans la prière en soi, mais dans la puissance libérée par Dieu en réponse à cette prière. Cette puissance se déploiera dans la vie de la personne à qui nous destinons cette prière. Dans le passage de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, que nous étudierons aujourd'hui, l'apôtre Paul nous propose une prière contenant une requête à 6 volets. Voyons dès maintenant le premier volet dans Colossiens 1, verset 9. « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Nous trouvons dans ce passage 2 mots qui font référence à l'idée de prière. « Prier » est en quelque sorte le terme général pour dire qu'on s'adresse à Dieu. Nous parlons ici d'une requête globale. Par contre, le verbe « demander » dans la deuxième partie du verset implique une requête plus spécifique, dont le but est d'attirer l'attention sur le sujet de la requête. Revoyons le verset en nous concentrant sur ces 2 verbes. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans ce premier volet de la requête, nous constatons encore une fois que nous ne prions pas ici pour nous-mêmes, mais pour une autre personne. Nous prions, premièrement, pour qu'elle puisse connaître la volonté de Dieu. En d'autres mots, elle ne doit pas seulement se demander quelle est cette volonté. Elle ne doit pas seulement recevoir une direction générale, mais elle doit savoir précisément et exactement la volonté de Dieu pour sa vie. Il ne s'agit pas d'intercéder pour qu'elle ait une connaissance générale, mais bien qu'elle comprenne la volonté de Dieu. Si vous lisez comment Dieu a travaillé dans la vie des saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, vous réaliserez qu'il leur disait exactement ce qu'ils devaient faire. Le Seigneur disait à Abraham d'aller à un certain endroit et de faire une certaine chose. Il ne lui a pas dit, par exemple, de faire une promenade de santé avec son fils. Regardons Genèse 22, verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au contraire, Dieu fait la même chose avec nous. Il nous donne des directives spécifiques et claires. Lorsque nous prions en faveur de quelqu'un, nous devrions donc déclarer à Dieu, « Seigneur, montre-lui le chemin, donne-lui une pleine connaissance de ta volonté, pas seulement une idée floue, ni une direction générale, mais bien une connaissance précise et exacte de ta volonté pour sa vie. Voulez-vous prier de cette manière pour vos enfants? Seigneur, montre-leur exactement ce que tu attends d'eux, quelle direction ils doivent prendre et quand la prendre. Donne-leur une conviction précise. Il n'est pas dans l'intention de Dieu de nous diriger de loin ou juger en nous laissant nous débrouiller avec les détails. Si Dieu a une volonté pour notre vie, il nous donnera une direction qui nous permettra d'aller chercher ce que la vie nous réserve de meilleur pour nous comme pour lui. Je crois que le but ultime dans la vie d'une personne, le but qui domine tous les autres, est de connaître Dieu. Seriez-vous en mesure de suggérer une prière plus importante que celle-là pour vos enfants, votre mari ou votre femme? Aussi, l'unique façon de connaître Dieu, c'est de lire sa parole. Nous devons d'abord nous concentrer sur elle pour découvrir ce que Dieu veut nous faire comprendre et faire l'expérience de la vérité. Voilà comment nous pouvons connaître Dieu. Et quand Dieu vous montre quelque chose, vous lui obéissez. Pourquoi Dieu continuerait-il sans cesse de faire accumuler une tonne de connaissances à une tête qui refuse de partager cette connaissance? Si vous voulez apprendre à connaître Dieu, si vous voulez approfondir votre compréhension de sa personne, il vous faudra connaître sa pensée. Et si vous voulez apprendre comment jouir d'une pensée de Dieu qui respire et vibre dans votre vie, je vais immédiatement vous dire par où commencer. C'est très simple. Obéissez à Dieu dès maintenant. Faites la prochaine chose qu'il vous demandera de faire. Obéissez-lui immédiatement et sans aucune question. L'obéissance à Dieu se fait un pas à la fois. Et à mesure que nous commençons à obéir à Dieu par rapport aux petites choses qui sont à notre portée, il commence à se révéler à nous. Il nous dévoile ses intentions pour notre vie. Il nous donne une compréhension et une connaissance spirituelle. Nous commençons à saisir Dieu à un niveau plus profond. Nous commençons à comprendre avec plus de précision comment il agit. Ainsi, nous sommes en mesure de mieux percevoir ses principes et de les appliquer. Ils feront par conséquent partie de notre mode de vie. Dès lors, nous prenons conscience que c'est seulement quand nous commençons à connaître Dieu à un niveau plus profond que la vie chrétienne devient l'aventure la plus excitante du monde. Et on aurait beau rassembler toute la connaissance du monde, celle de tous les hommes et les femmes qui ont existé à travers le temps, elle n'arriverait pas à la cheville du mystère de Dieu. Cette connaissance serait à peine l'équivalent de l'épaisseur d'un cheveu comparé à l'immensité insondable de l'univers, cet univers dont Dieu est le seul et l'unique créateur. Dieu connaît tous les mécanismes intrinsèques de l'univers, car c'est son œuvre. Comment alors s'ennuyer en sa présence? C'est impossible. Et donc, plus on connaît Dieu, plus on désire le connaître. Et comment peut-on développer notre relation avec lui? En lui obéissant. La connaissance de Dieu n'est pas statique, comme celle d'un livre. Dieu se révèle à nous dans la mesure où notre cœur est disposé à mettre en pratique la connaissance que Dieu nous donne. En obéissant à ce qu'il nous demande de faire du mieux que nous pouvons, nous nous préparons à l'étape suivante. Toutefois, ne vous attendez pas à ce que Dieu se dévoile à vous si vous n'êtes pas prêt à lui obéir dans les moindres choses. Aussi, je le répète, plus nous commençons tôt ce périple d'obéissance progressive et de découverte merveilleuse, plus nous serons imprégnés de la vie éternelle, même si nous vivons encore dans ce monde. C'est pourquoi tous les pères et toutes les mères devraient prier ainsi pour leurs enfants. Seigneur, donne-lui une compréhension plus grande de qui tu es, ô Dieu. Car, je le répète, c'est le but ultime, le but le plus important de notre vie, et cela devrait être le but de notre prière. Cette prière nous permet donc, premièrement, de demander à Dieu de diriger l'être aimé dans sa vie. Deuxièmement, elle nous permet d'intercéder pour qu'il obtienne une qualité de vie, une vie digne de Dieu. Troisièmement, elle nous permet d'investir sagement dans une vie qui porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Quatrièmement, la prière nous permet de demander à Dieu que la personne en faveur de laquelle nous prions puisse développer une relation plus intime avec lui. Lisons à présent Colossiens chapitre 1, verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Concentrons-nous sur la première partie de ce verset. « fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Nous le voyons dans ce paragraphe. Nous avons accès à une force incomparable qui défie la compréhension et l'imagination humaine, car elle nous vient de Dieu. Le mot du texte original grec « kratos », traduit ici par « puissance », est utilisé surtout dans la Bible pour désigner une puissance surhumaine et divine, une puissance parfaite, la puissance incomparable, infinie et surnaturelle de Dieu. Supposons par exemple que je prie pour un ami. Comment ma prière pourrait-elle avoir un certain poids si la puissance surnaturelle de Dieu n'est pas réellement présente dans ma vie? Car c'est la puissance de Dieu qui donne du poids à notre vie, qui s'exprime dans notre conversation, notre comportement et notre caractère. Tout ce qui se produit autour de nous trouve son origine et son énergie ultime dans la source du Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui est au centre de l'univers, pas l'homme. Pouvez-vous vous imaginer ce qui arriverait si tous les chrétiens priaient ainsi pour quelqu'un d'autre? Seigneur, je désire que mon ami vive aujourd'hui par ta puissance. Je veux qu'il soit fortifié par ta puissance surnaturelle selon ta force glorieuse, afin d'obtenir la persévérance et la patience. À présent, demandons-nous pourquoi Paul a placé ce passage à cet endroit. Il l'a fait parce qu'il savait que les chrétiens de la ville de Colosse, auxquels il s'adressait, vivaient dans une société païenne tout autant que la nôtre. Cependant, si nous prions pour une personne afin que la puissance surnaturelle de Dieu soit libérée dans sa vie, que pensez-vous qu'il va se produire? Lisons Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Persévérance, dans le texte, fait référence à un fardeau qu'on porte ou au stress causé par une situation donnée. Il signifie qu'il ne faut pas jeter l'éponge en dépit des circonstances. Nous sommes tous soumis à des épreuves et nous avons tous nos souffrances. Même si nous souhaitions tous vivre une existence sans nuages, personne n'y échappe. Et peu importe les gens pour lesquels nous prions, ils traversent aussi leur lot d'épreuves et de peines. Or, imaginez qu'au moment où vous méditiez sur la parole de Dieu, vous lisiez ce passage de Colossiens chaque jour, en appelant le nom de cette personne. Un ami, un fils, une fille, un collègue, un époux, une épouse. Vous prieriez, par exemple, pour votre fils. « Seigneur, je te prie pour mon fils. » Fortifie-le, accorde-lui ta puissance surnaturelle afin qu'il ne ploie pas sous la pression de ce jour. Seigneur, gratifie-le de ta force afin qu'il puisse tenir bon, qu'il ne succombe pas à la tentation et qu'il n'abandonne pas en proie à la pression sociale. Dirige-le, Seigneur, pour qu'il puisse porter son fardeau par la puissance du Saint-Esprit qui habite en lui et qui est capable d'affronter toutes choses et de nous protéger. Quelle merveilleuse prière! Car il faut bien se rendre à l'évidence, si nous marchons en accord avec la volonté de Dieu, les vents contraires s'abattront sur nous de tous bords, de tous côtés. Si notre vie porte en elle la qualité de vie de Jésus-Christ, pensez-vous que le monde vous observera béatement sans réagir? Jamais de la vie! Pensez-vous que, si vous marchez dans l'obéissance à Dieu et que vous commencez à porter du fruit pour le Seigneur Jésus-Christ, Satan va vous laisser tranquille? Il va en mordre les murs! Et si vous commencez à prier et à ressentir une faim et une soif grandissante pour Dieu, que vous développiez une relation plus profonde et plus intime, pensez-vous que Satan va faire comme si de rien n'était? Pensez-vous qu'il va rester les bras croisés quand vous faites la seule et unique chose au monde qu'il veut vous empêcher de faire, c'est-à-dire de connaître Dieu comme il est vraiment? Non, bien entendu! C'est pourquoi nous avons besoin d'une puissance surnaturelle pour nous assister dans notre combat. Car en vérité, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre chaque jour et certains chrétiens ne semblent même pas s'en rendre compte. Ils n'entendent pas les balles siffler autour d'eux. Pourquoi? parce qu'ils sont du côté de l'ennemi. Oh, ils croient en Dieu, mais ils sont passés dans le camp ennemi. En fait, même si vous les regardez attentivement, vous ne pourrez jamais être sûr de l'uniforme qu'ils portent. C'est pourquoi ils ont besoin de nos prières, eux aussi. Continuons maintenant avec Colossiens chapitre 1, versets 11 à 14. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En résumé, quand vous priez pour une autre personne, vous priez premièrement pour que Dieu lui donne une direction claire pour sa vie, pour qu'elle connaisse sa volonté. Deuxièmement, vous priez qu'elle marche d'une manière digne de Dieu et que sa qualité de vie reflète sa foi chrétienne. Troisièmement, vous priez pour que sa vie porte du fruit. Vous intercédez en sa faveur afin qu'elle investisse ses énergies dans sa vie au lieu de la gaspiller. Quatrièmement, vous demandez à Dieu que le but ultime de sa vie soit d'apprendre à le connaître mieux. Cinquièmement, vous priez pour qu'elle expérimente la puissance surnaturelle de Dieu dans sa vie. Sixièmement, quand vous intercédez pour quelqu'un, vous priez pour sa motivation. L'apôtre Paul relate dans Colossiens 1, versets 11 et 12. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qu'est-ce qui nous motive? Où pouvons-nous trouver la motivation de nous réjouir, même au milieu des épreuves et des souffrances? Qu'est-ce qui nous motive à toujours être dans la joie et persévérant et patient? J'aimerais attirer votre attention sur trois choses mentionnées dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Prenons l'exemple d'une compétition athlétique de course à pied. Avant même que la course proprement dite commence, les athlètes doivent participer à une épreuve de qualification qui servira à déterminer leur position de départ dans la course. Ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre à nous chrétiens, c'est que nos noms figurent déjà sur la liste de qualification. Nous sommes déjà qualifiés pour la course. Nous sommes qualifiés pour partager l'héritage préparé par Dieu pour ses enfants. Vous pourriez dire, « Cela signifie-t-il que j'ai vécu une assez bonne vie jusqu'ici pour me qualifier ?» C'est exactement ce que je ne veux pas dire, car ce ne sont pas nos actions qui nous qualifient. Savez-vous ce qui nous qualifie pour partager l'héritage que le Seigneur Jésus-Christ a préparé pour nous ? Ce qui nous qualifie pour partager cet héritage est le sacrifice de Jésus. Dieu a envoyé son Fils, uniquement engendré, Jésus-Christ, mourir pour nous sur la croix. Jésus a versé son sang. Il a subi une mort expiatoire, substitutive et sacrificielle pour notre péché. Et tous ceux qui acceptent personnellement Jésus comme étant leur Sauveur, Seigneur et Maître, lui ont cédé le contrôle de leur vie. Voilà ce qui qualifie les enfants de Dieu. Nous avons été justifiés, réconciliés et sanctifiés. Nous avons été rachetés et nos péchés ont été pardonnés. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a qualifiés. Cela ne devrait-il pas nous motiver à rechercher et à découvrir la volonté de Dieu, à vivre une vie qui a du poids, qui porte du fruit, dans laquelle nous nous efforçons de connaître le Seigneur Dieu et de marcher dans sa puissance? Quelle motivation pouvons-nous désirer en plus? Ne nous suffit-il pas de savoir que nous sommes déjà qualifiés pour partager son héritage? Poursuivons notre lecture de Colossiens chapitre 1, les versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Que constatons-nous? Deuxièmement, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Savez-vous où vous étiez avant d'être sauvés? Oh, à vrai dire, je ne me débrouillais pas si mal. C'est complètement faux. L'apôtre Paul affirme que nous étions tous esclaves et prisonniers du royaume des ténèbres. Satan nous maintenait prisonniers. Or, l'incroyant ignore totalement dans quel pétrin il se trouve. Il ne réalise pas que Satan le retient prisonnier. Ce n'est que lorsque nous en sortons à notre conversion que nous réalisons notre ancienne et fâcheuse position. Que dit Paul dans ces versets? Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes spirituellement mort à cause de vos offenses et de vos péchés. Vous êtes emprisonné dans le domaine des ténèbres, ce qui se révèle être un indice de votre méconnaissance de Dieu. Car votre pensée est obscurcie face aux choses spirituelles. Cependant, Dieu nous dit, à nous croyants, « Priez pour votre ami, afin qu'il rende grâce avec joie, qu'il se rappelle joyeusement du fait qu'il a été qualifié pour l'héritage divin par Jésus, qu'il a été délivré du domaine des ténèbres et qu'il peut aujourd'hui vivre et trouver le repos dans le royaume du Fils bien-aimé. » J'ai découvert une chose. Quand une personne apprend à glorifier Dieu et à le remercier pour ce qu'il a fait dans sa vie et ce qu'il y fait encore, il est étonnant de constater à quel point elle est motivée à marcher dans l'obéissance. Elle veut plus de Dieu. Elle veut apprendre à mieux le connaître. Et si vous pensez que vous avez déjà fait quelque chose pour mériter quoi que ce soit du Dieu Tout-Puissant, vous faites fausse route. Car toutes vos actions accomplies dans la chair ne sont que cendres. Elles ont à peu près autant de poids qu'un petit tas de cendres. Laissez-moi maintenant vous poser une question. Que pensez-vous qu'il arriverait dans votre vie si un bon ami à vous, un membre de votre famille, se mettait à prier pour vous de cette manière? « Seigneur, je veux qu'il connaisse ta volonté pour sa vie dès aujourd'hui. Donne-lui une direction. Seigneur, je désire qu'il porte du fruit pour toute œuvre bonne entreprise aujourd'hui. Seigneur, je veux qu'il grandisse dans sa connaissance et dans sa compréhension de toi. Seigneur, qu'il marche dans ta puissance, cette puissance surnaturelle issue de toi, et qu'elle devienne l'énergie de sa vie. Rappelle-lui, Seigneur, l'esclave qu'il a déjà été, et comment tu l'as racheté auprès du sang versé de ton Fils Jésus-Christ. Oui, tu l'as racheté, et maintenant, il est ton fils ou ta fille. » J'aimerais vous encourager avant de terminer. Je crois qu'il est impossible de faire cette prière pour quelqu'un, jour après jour, sans que la puissance surnaturelle de Dieu se mette en marche et opère le miracle nécessaire pour transformer radicalement sa vie. J'espère vous avoir convaincu, ainsi que votre cœur et votre esprit, que la prière est un outil puissant. Elle vous permettra d'élever une personne vers Dieu pour transformer sa vie à la gloire de notre Père Tout-Puissant. Vous avez le choix. Vous pouvez laisser les personnes autour de vous gaspiller leur vie ou, au contraire, faire en sorte qu'ils puissent vivre une existence merveilleuse et fructueuse. Cela dépend de vous. Vous devez faire un choix. Soit prier pour la personne qui vous intéresse ou de la laisser tomber. Priez comme Dieu le désire, comme Dieu le demande, selon cette prière que nous venons d'étudier dans l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, les versets 9 à 14. Mettez ces choses en pratique aujourd'hui. Une vie de prière est le privilège accordé à chaque croyant. En priant, nous pouvons non seulement faire part de nos propres besoins et désirs, mais aussi provoquer des transformations dans la vie des personnes qui nous entourent. Charles Stanley nous a encouragés aujourd'hui à faire une prière transformatrice pour un proche et ensuite à observer l'œuvre surnaturelle de Dieu en pleine action. Je confesse mon égoïsme. Au cours de cette émission, je me suis trop souvent surpris à penser « Ouais, j'aimerais bien que la puissance surnaturelle se révèle avec plus de force dans ma vie. » Or, il ne s'agit pas du tout de cela. Dans cette émission, Charles Stanley nous a encouragés à prier pour les autres et non pour nous-mêmes. Cependant, pourquoi le simple fait de prier pour quelqu'un d'autre aussi longtemps qu'il le faudra me paraît-il aussi difficile? Je confesse l'égoïsme de mon pays. Je vis dans un pays au climat plutôt nordique. un pays où les rapports de plus en plus précis sur le réchauffement planétaire soulèvent de moins en moins d'intérêt. Pensez-vous que si les pays les plus industrialisés et les plus pollueurs se situaient sous la ceinture équatoriale, des mesures plus strictes pour contrer la pollution n'auraient pas été mises sur place avec beaucoup plus de sérieux? Nous n'avons plus d'excuses à l'ignorance, car nos instruments de communication nous disent à quel point notre insouciance étouffe littéralement les pays les plus chauds dans la sécheresse et la famine. Je confesse l'égoïsme de ma génération. Je fais partie de la génération des baby-boomers dont le poids social est considérable. C'est une génération qui s'est servie de ce poids et qui s'en sert encore à des fins égoïstes. Peu nous importe dans quel état nous laissons cette planète à nos enfants. De toute façon, nous n'avons que peu d'enfants car ils auraient constitué un obstacle à notre carrière et à notre confort. Avec un peu de chance, lorsque les gaz à effet de serre auront complètement fait fondre les deux pôles, nous serons morts depuis longtemps. Oui, partout autour de nous, les preuves d'un monde pollué, corrompu et égoïste se font de plus en plus accablantes. Et les modèles de générosité désintéressée et de don de soi se font de plus en plus rares. J'ai lu récemment dans un journal cette phrase troublante. Si tout le monde est pour la vertu, personne ne sait comment s'y prendre. Personne, c'est faux. Et encore aujourd'hui, nous ne pouvons invoquer notre ignorance, car la réponse se trouve noir sur blanc dans le livre le plus répandu de toute l'histoire de l'humanité, la Bible. Et le modèle de vertu et de sacrifice de soi, Jésus-Christ, dont l'exemple appliqué dans nos vies pourrait radicalement changer le cours des choses, y est décrit de façon on ne peut plus claire. Jésus-Christ est le seul espoir qui nous reste. Et si vous ne le connaissez pas encore personnellement, vous pouvez certainement vous procurer, en nous appelant, un exemplaire gratuit de sa biographie dans le Nouveau Testament. Et si vous le connaissez, si vous avez été sauvé par son sang répandu pour vous au calvaire, vous connaissez certainement quelqu'un pour qui vous pouvez prier. Car petit à petit, notre cheminement avec notre Seigneur Jésus-Christ nous aide à avoir plus de considération pour le bien-être de notre entourage. Nous pouvons tous faire quelque chose, chacun de nous, et cette décision ne peut plus être remise à demain. L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.